Je le sais. Je l'ai déjà dite, cette phrase, il y a quelques dodo. Mais comme je l'aime, je la répéterai à l'unisson devant tous les fanfarons qui m'écouteront jusqu'à 2h du matin. Quoique, si vous vous considérez pas comme des fanfarons, on peut le devenir. C'est gratuit, c'est gratis, c'est gratos, ça coûte rien. C'est normal que si c'est gratos, ça doit normalement rien coûter. Bon. Alors, on y va. Non, l'émission risque d'être beaucoup plus, comme disent les jeunes, beaucoup plus cool. Beaucoup plus relax. Beaucoup plus imaginative. Donc, laissons-nous, allons vers les sillons de l'improvisation. Mais avant, aimez-vous la liaison est importante, Zavant. Zavant, moi, il n'y avait rien. Puis depuis, il y a tout le monde devant. Ah! Reprenons la phrase. Mais en fait, on ne l'a pas repris. On doit la commencer. Pour reprendre, il faut déjà avoir dit. Ah, mais il est fatiguant, ce garçon-là. Il est fatiguant. Même sa femme me l'a dit, là. Garde-moi le 3-4 jours, là. À 350 au four. Pas d'oignon, rien. Il ne mérite même pas ça. Alors, comme avant, là, avant de déraper, la phrase d'ouverture, c'est « Hey! Tu te la tartines, la vie sans confiture! » Aujourd'hui, hey, tu te la tartines, la vie sans confiture. Aujourd'hui, le lundi 8 août 2022, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Hume! Pour les nouveaux, léger. Faut que vous sachiez que peut-être un personnage qui parle et pas moi. Un personnage. On s'entend là-dessus? Bon, à la fin de cette phrase-ci, je vais devenir le personnage et moi, je vous reverrai pour les saluts. Je vous souhaite une excellente soirée. Amusez-vous. Et s'il y en a qui ont des problèmes de cœur, fermez les yeux quelques secondes parce que la transformation entre moi-même et le personnage, des fois, c'est un peu impressionnant. Pour ceux qui connaissent le théâtre, j'utilise la méthode Stanislavski. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent il y a 2 ans? Oh, me revenez moi-même, attends. Si jamais ils vous le redemandent. Dites oui, ça va aider pour le reste. Bon. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Le vent m'arrache la peau, il fouette les flancs et glace l'âme de mon bateau. Amarré à la barre, j'entends ta voix, j'entends tes mots. Chaque fois que le tonnerre me frappe de son écho. Au large du Cap Bonragé, au large de tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai sauvé. Peut-être que j'étais beaucoup trop loin pour empêcher mon pauvre bateau de prendre l'eau et de couler. Montre-moi l'étoile pour me guider. Prends le bon ou des bras pour le calmer. Je t'ai aimé, je t'ai aimé, jamais autant aimé. Au large du cap enragé, sur le cap enragé, elle guette avec les yeux abandonnés. Envoyer une prière avec une voile désespérée. Si seulement je pouvais te faire comprendre la vérité. Montre-moi l'étoile pour me guider. Prends le vent dans tes bras pour le calmer. Je t'ai aimé, je t'ai aimé, jamais autant aimé. Au large du cap enragé, je t'ai aimé, je t'ai aimé, jamais autant aimé. Au large du cap enragé. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma yeah. Oh ma ma ma ma yeah yeah yeah yeah yeah. Oh large, oh large, oh large, oh large, oh large, oh large du cap. Oh. En début d'émission, je suis très heureux de vous rencontrer, madame, mademoiselle, mes yeux que j'adore tant, parce que vous êtes le regard et l'esprit de l'émission. C'est vrai, on l'a jamais dit, mais on doit tout le temps changer de formule, sinon on devient redondant. Puis ça me fait penser un peu, beaucoup passionnément, redondant, bedonnant. Hein? Dans ta vie de couple, tu commences à répéter des schèmes, tu sais, tu deviens un peu prévisible. Puis en devenant prévisible, on dirait que tu t'assis, puis t'attends, puis tu manges, toi, tu fais du plaisir, tu bedonnes, dans les petites bedaines. Là, tu t'es marié. Pour le meilleur et pour le fric. On dit le pire, ouais, mais là, aujourd'hui, c'est plus le pire, hein, c'est le fric. Le fric achète tout. Diane Dufresne disait, je veux pas savoir comment tu vas, on recommence. Je veux pas savoir comment tu vas, je veux simplement savoir comment tu vaux. C'est pas le vaut dans le champ. C'est la valeur de ta personne. Fait que moi, je suis allé voir un encanteur. Tu sais, moi, je connaissais ce monde-là, les encanteurs, parce que ça parle vite. Ça dit des chiffres très rapidement. Puis, j'en connais deux, trois qui sont bègues, mais qui font de l'encante. Mais c'est pas eux autres que je suis allé voir. Non, parce que c'est presque mes semblables. Ils vont aller voir d'ailleurs. sur une autre planète, qui est la Terre quand même, mais chaque personne est une planète. Saviez-vous ça? Non, oui, peut-être. Comment ça va, vous autres, en passant? Le dernier, as-tu fait sa dent? J'espère que ça ne sera pas sa dent d'Achille. Non, c'est le talon d'Achille, c'est ça? Achille Poirot? Ferme-toi le Poirot, OK. Oui, c'est pas vraiment ça, hein? Mais en tout cas, tout va bien. Les études, le travail, les impôts, vos blondes, vos chums, vos maîtresses, vos... Non, t'as pas maîtresse pour une femme, c'est quoi? C'est maîtresse aussi, hein? On sait jamais. Ah, oh, il y a des explosions d'amour, hein? On veut essayer tout ça. Hey, on a juste une vie à vivre, hein? Mais jamais, jamais, avec le livre de Sade, qui s'intitulait, et qui s'intitule toujours, ça s'intitule tout le temps, hein? Oui, un livre de chevet, mais c'est un classique. Puis là, les gens se disent, hey, un livre de chevet, si je voulais pas le chevet pour le déposer, mais qu'est-ce qu'un chevet, un livre de chevet? Mais fâchez-vous pas, monsieur, vous prenez les nerfs pour rien, elle me l'a dit, hein, il est irritable. Mais là, le mot irritable pour vous, là, c'est un peu mou. Et là, je parle pas de votre vie. Non, c'est un peu mou comme description. Pas que physiquement, ça me dérange pas que vous soyez dur ou mou, mon cher monsieur. Vous êtes quelqu'un de formidable. Un être vivant est un être formidable que l'on doit essayer de comprendre. Et j'ai dit essayer. Essayer. On essaye de, hein, à chaque jour. On rencontre du monde. Il y en a qui en font pas partie, hein? Mais on doit les respecter. On sait pas ce que leur passé. Des fois, hein, le passé est dangereux. Parce que si t'es là dans le présent, puis t'es dans cet état-là, peut-être un peu plus underground, ça veut peut-être dire que t'as eu une enfance un peu plus déchirée que d'autres, là, hein? T'es pas né à Westmount. Ça, c'est à Montréal, Westmount. Mais ça, c'est en haut, là. Tu sais, les gens qui, comme disait Brel, qui comptent leurs dollars, ils disaient sur l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte au nez. C'est eux autres. Mais non, mais il y en a d'autres qui sont bien là-dedans, là. Ben oui. Là, j'en ai même rencontré une. Lisiane Brisebois, qui reste à Westmount. Bonjour. Puis elle, cette femme extraordinaire, cette demoiselle, parce que elle a élevé ses deux filles, toutes seules. Non, c'était pas une vitro. Elle les a eues avec deux hommes différents. Mais les hommes se sont enfuis à la présence d'un enfant. C'est leur choix. Mais elle, ça lui faisait plaisir. Puis elle connaissait, c'est une fille brillante. Es-tu plus brillante que ça, là? J'en connais pas trop. Et puis, avant même de s'intéresser à aller plus loin dans la rencontre, elle posait des questions. Tu sais, anodine. Ça veut dire que tu sais, qui se prépare pas à la grande phrase que l'on connaît peut-être, là, veux-tu me marier, ou tu sais, des petites phrases comme ça qu'on passe de même, là. Comme une carte, tu sais, une carte d'affaires, puis une carte de visite. Et tranquillement, elle jaugeait la personne, l'homme avec qui elle était, puis si ça correspondait vraiment à son schéma, c'est-à-dire qu'après avoir enfanté. En tout cas, au moment où elle enfante, l'homme ne veut pas prendre des responsabilités, donc il s'enfuit. C'est ça qu'elle veut, elle. Elle veut ça. Des hommes irresponsables. Il y en a-tu? On les hommes. C'est bien, hein? On les nomme. On a la liste. J'ai appelé hier, j'ai dit, pouvez-vous... Oui, ben là, c'est ma recherchiste. Pouvez-vous, parce que je la vous vois, hein? Ah, j'ai un grand... pas parce qu'on tutoie qu'on n'a pas de respect, mais elle, je la connais un peu moins, hein? Elle est très étrange. Puis je l'appelle même Mylène Farmer. Tu sais, Mylène Farmer, c'est une femme étrange. Elle est née au Québec. Elle a participé à Filles d'aujourd'hui dans les années 80, au début des années 80. Ensuite, elle est partie en France. Elle a fait un succès extraordinaire, puis on ne connaît pas trop sa vie. Même, c'est Mylène Farmer, c'est... Hein? Moi, j'ai bien aimé ses quatre premiers disques. Après surexposé, là. Mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, Westman, deux enfants. Mais, cette femme-là, là, elle est incroyable. Ah, mon Dieu, c'est deux vies en une. Ah oui. Elle est espiègle, elle est rigolote et elle connaît aussi l'algèbre. Bon, pour certains, ben oui, mais l'algèbre, que ça sert à quoi l'algèbre dans la vie? L'algèbre. Vous avez raison. Mais juste connaître, là, c'est pas le problème, c'est pas que ce soit utile. C'est de l'aimer, de le comprendre et de pouvoir aussi le transmettre. Quand c'est pas très rationnel, c'est plus compliqué. Là, je voulais vous faire une improvisation sur un mot, mais c'est pas là que ça va se passer. C'est un petit peu plus tard. Mais dans pas grand temps. Restez des nôtres. Là. L'émission dure 2 heures, puis Reynald va arriver à un moment donné. On sait pas ce qui est passé. Ils m'ont dit qu'il avait oublié de prendre son taxi. Mais le taxi m'a dit que lui avait oublié d'aller à l'adresse où Reynald habite pour l'amener ici, chez lui. Où se trouve-t-il? Ah! Là est la question. L'arbre est dans ses feuilles. Ah oui, attendez, l'arbre est dans ses feuilles. Tout le monde la connaît? Raymond un peu moins. Bon, ici. L'arbre est dans ses feuilles. Malilondon déplace. Ça part. Quand ça part, on continue avec lui. Ça risque d'être super intéressant. Ça dure 14 minutes et 58, c'est la version remixée. Mais non, c'est pas vrai. L'arbre est dans ses feuilles, l'arbre est dans ses feuilles, dans les habits, une petite branche. Dans les habits, une petite branche. Branche dans l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, mal et dans mal et l'arbre dans ses feuilles, mal et dans tendé. Voyez-vous l'arbre? Ah, mon Dieu. Ah, oui, je le vois, moi. Il est là-bas, là. Dans la branche, y a un petit nœud. Dans la branche, y a un petit nœud. Le nœud est dans la branche, et la branche est dans l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, mal et dans mal et l'arbre dans ses feuilles, mal et dans tendé. Il faut confier maintenant, là, c'est simple. Attention, ça se complique. Dans le nœud, y a un petit trou. Dans le nœud, y a un petit trou. Le trou est dans le nœud est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, marron, maridé. L'arbre dans ses feuilles, marron, d'André. Ça se complique. Parce que ça se rajoute, hein? Oh! Dans le trou, il y a un petit nez. Dans le trou, il y a un petit nez. Le nid dans le trou et dans le nœud et dans la branche et dans l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, mal et l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, mal et l'entendé. Ça commence à déjà moins. On laisse aller les professionnels, s'il vous plaît. Dans le nez qui était d'œuf, dans le nez qui était d'œuf. Y'avait dans le nid et le nid et dans le trou et dans le nœud et dans la branche et dans l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, mal et l'homme, mal et l'île. L'arbre dans ses feuilles, mal et l'entendé. Oh, ça va bien, vous autres, ce soir, hein? Ce soir, le 8 août. Oh! Dans l'île, puis un oiseau. Dans l'île, puis un oiseau. L'oiseau est dans l'île, avec des lobes. Et dans les nids, et des nids. Et dans les trous, et des trous. Et dans les nœuds, et des nœuds. Et dans la branche, et des branches, et dans l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, mal et l'homme, mal et l'île. L'arbre dans ses feuilles, mal et l'entendé. Ok, on continue. On continue ce prépuce, sans mort le soigneur, soigne la compagnie, vierge. Dans l'oiseau, il y a un tinker. Dans l'oiseau, il y a un tinker. Qu'un oiseau, dans le yop et des lobes. Et dans les nids et des nids. Et dans les trous et les trous. Et dans les nœuds et des nœuds. Et dans la branche et des branches. Et dans l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, mal et l'homme, mal et l'île. L'arbre dans ses feuilles, mal et l'homme, entendé. Oh, non, ni. Oh, la trompette. pour rallonger la chanson. Ben oui, en spectacle, il faut faire au moins 5-6 minutes, hein? L'amour est dans le cœur du cœur de l'oiseau, oiseau est dans les œufs et des leves et dans les niggas et des niggas, dans les trous et des trous et dans les nœuds et des nœuds et dans la branche de l'ange et dans la. La balance est feuille, marée, non, marée, la balance est feuille, marée, non, bombée. La balance est feuille, marée, non, marée, la balance est feuille, marée, non, bombée. La balance est feuille, marée, non, marée, la balance est feuille. Génial! Merci. Ah, oh, merci, excusez-moi. Ah, oh, oui, oui! J'ai demandé à une fille que je connais, qui était branchée il n'y a même pas 5 minutes, de me trouver un mot pour une improvisation, puis elle est partie, comme un petit oiseau. Et donc, je me suis retrouvé, le bec dans l'eau. L'eau est dans l'étang est devant la grenouille. La grenouille, elle fait Brabit, Brabit, Brabit. J'ai dit, hey, grenouille, t'es-tu Kermit? Parce que moi, la seule grenouille que je connais, c'est Kermit. T'es-tu Kermit? Là, il me dit, non, je suis Démétane. Pas Démétane, la grenouille? Ben oui, c'est pas Kermit. C'est quoi la différence? Ben, il dit que Kermit, ben, c'est une marionnette. Puis toi, ben moi, je suis une bande dessinée. Hein? Puis dans la hiérarchie, c'est qui le plus important? C'est-tu Kermit ou Démétane? Ben, d'après moi, là, c'est Kermit. Je sais pourquoi. Ben, il fait partie d'un grand cirque. Je dis, comment ça? Sesame Street! Ah oui? Je dis, Kermit est dans Sesame Street? Ben, tu connais pas tes classiques? Moi, je connais rien. Je connais rien à rien. Je n'ai même pas reconnu l'eau de la rivière puisqu'elle descendait dans le fleuve des saisons. Hein? C'est pas de la poésie, ça? Oui. Tu viens de faire un petit texte poétique? Oui. Pourriez-vous-tu me le répéter? Pourriez-vous-tu? Pourriez-vous-tu? Ben, du. Fermez votre grande bouche. Pourriez-vous tout fermer votre grande bouche? Là, j'ai demandé à la copine en question. Ah, Caroline du Sud, mais mon Dieu, elle est sans doute en monokini, se faire bronzer la schnattles, et puis elle a oublié. Donc, mais j'ai trouvé un site internet extraordinaire que je ne vous nommerai pas. Ça s'appelle Mots aléatoires en français. Parce qu'en allemand, j'ai dit, ah mon Dieu, si je commence à faire des impros en allemand, ouf, mes micros sont pas protégés par des... Parce que c'est une langue qu'on projette, hein? L'allemand, c'est pas comme le français, c'est pas comme... Mais l'italien, faudrait pas non plus, parce que ça prend plusieurs mots pour... Hein? Un italien, c'est pas... C'est beaucoup de mots. Fait que, donc, enlevez... Monsieur le censure, vous êtes censure, vous? Sans sucre et sans goût? Non, c'est pas ça mon gag. Ouais, ouais, quand j'ai des clients, moi, qui cherchent de la bière, puis ils me disent une blonde, puis à un moment donné, j'arrive dans un petit secteur minimaliste, là, de bière sans alcool. Ben, j'ai dit, j'ai cette bière-là qui a gagné des prix, puis c'est vrai, hein, ce que je dis, c'est quand je parle de mes produits, je les connais. J'ai dit, c'est une bière sans alcool. Ah, ben non, ben, vous êtes comme moi, hein. Sans alcool, sans intérêt. C'est une phrase que je lance tout le temps. Ah, bon. Fait que là, mon improvisation, ça n'a pas commencé. Je vais prendre ces nouveaux mots. Alors, je clique là-dessus parce que le mot qui m'est présenté là, c'est étendu. Donc, comme je l'ai vu, je ne vais pas me lancer dans une phrase que... Sinon, vous allez dire, ben, il connaît déjà le mot. Mais là, vous ne savez même pas que j'ai... Bon, là, vous le savez. Eh, man, c'est-tu clair, cette affaire-là? On passe-tu une petite chanson? Non, on y va. Alors, nouveau mot. Bang! Au étrier, bof, non, on y va un autre. Football, non, un autre. Tube. Ouais, tube. coupe. Ouais. Têtard. Têtard. Ah, la grenouille, non, on l'a fait, celle-là. Gentil. Les gentils méchants, non. Sacrifice. Oh, dernier mot, je vous jure que je le prends, le dernier mot. Lierre. Lierre. Oh, je connais. C'est quoi une lierre? Chercher l'animal, oh, là. Violet. Bah. Caricature. Ah oui, OK, caricature. Ah, ça, c'est caricature. Je suis souvent, Madame Tremblay, la caricature de moi-même. Au lever, je me regarde devant les miroirs. Pas de miroir. Je dis, comment je peux voir si je suis moi-même? Donc, je m'en vais dans toutes les chambres parce que j'habite dans un 17,5, pas chauffé, pas éclairé. J'ai de la misère à savoir où je suis, moi, là. Dans ma cuisine, dans mon salon, je sais pas. Le jour, ça va, mais c'est le soir. Puis là, j'ai dit, puis tout ce que j'ai acheté, là, vous savez, c'est des lumières là, qui gobent le soleil. Mais là, depuis 3 jours, il n'y a pas de soleil, pas de lumière, rien. Je me demande qu'est-ce qui va arriver. Ça fait 3 jours que... Non, ça fait 2 jours que j'essaie. Non, parce que là, la temporalité n'avait pas... Je sais. Lui, c'est comme Yvan Ponton, hein? Tu sais, l'arbitre de l'improvisation. J'entends Yvan Ponton là, qui sommeille en moi. Je sais, j'ai dit 3 jours, 2 jours. J'ai perdu un point, ça me dérange pas. Parce que j'ai dit ça faisait pas longtemps que j'avais perdu. Avez-vous suivi, vous? En tout cas, là, on reprend. On recommence pas, on reprend. Ça, c'est le cri du début. Hein, au moment où ça s'est arrêté. Je sais même pas à l'endroit où je suis actuellement. Ça fait 3 jours, 2 jours. Hey, 2 jours. Ça fait 2 jours que je mange du papier hygiénique. Et puis, on dirait que ça me fait travailler l'estomac. Ouais, oui, mais c'est fait. En plus, c'est recyclable. Ça doit fondre comme une retaille d'hostie. Ah ouais. Associer le papier hygiénique avec les retailles d'hostie. Vous avez peut-être raison. C'est peut-être avec ça qu'ils font ça. Ben ouais, mais c'est béni, là. Quoi, le papier cul? Non, les retailles d'hostie. Ah mon Dieu Seigneur. Je savais même pas ça que c'était béni. Comment tu fais ça pour bénir ça, toi? Ben là, il faut aller à l'oratoire. À l'oratoire. Ben Saint-Joseph. Moi, je reste pas à Saint-Joseph, je reste dans le Vieux-Québec. Je reste sur la rue Sainte-Famille. La belle rue Sainte-Famille, toute coûte la fille. La rue Sainte-Famille, là, sa beauté, c'est ça. C'est que c'est court. C'est pas long. Et puis, il y a des gens. Mon voisin, mon troisième voisin de l'immeuble, à un moment donné, c'est vrai, je suis parti avec mon appareil photo. Pour enregistrer des sons bizarres. Et un appareil photo pour prendre des photos, Monsieur Tremblay. Voyons donc. Ouais, cette émission-là est bizarre, hein? Pensez-vous que je peux prendre un appareil photo pour je sais pas, pour susciter l'intérêt, pour avoir l'air intelligent ou un artiste? C'était à la haute ville avec la petite couette en l'air. Non, j'ai pas la petite couette en l'air. Ce qui est en l'air, c'est pas ma petite couette. C'est mon intérêt pour le milieu. Le milieu artistique! Exactement. Donc, je me présente devant ma troisième, mon rue, ma rue Sainte-Famille, hein, parce que je reste, j'allais dire, presque l'immeuble, l'adresse de l'immeuble, mais je suis pas là pour balancer. Tu balances pas, non, je balance pas, sauf si tu me payes. Je te paye, là, tu me payes. Je te paye un verre. Oh non, laisse faire, les verres, ça me dérange. Non, je vais pas à la pêche, moi, là, tu sais, à part les petits poissons des chenaux, là. Parce que on est dans une petite cabine, il fait froid, hein? Puis on est 3-4 personnes, puis on commence à parler, puis chut, comment ça va? Chut, tu fais fuir le poisson! Oui, mais c'est sûr que si tu fais chut, le poisson va, hey, t'es une caricature du poisson rouge, toi? Non, c'est une caricature de moi-même. Ah, mon Dieu. Comment tu caractérises, toi, ta caricature? Mais je me suis jamais examinée, hein? Mais tu devrais. Ah, man. Mais j'ai ma chanteuse préférée, là. Moi, j'ai des affiches partout chez elle. Mais chez moi, je m'imagine d'être chez elle. Ah, ouais? j'étais pas une... Je suis une trouble-fête. Mais là, je me dis... Oh, j'ai la bouche de Céline. Ah, mon doux. Ah, j'ai le nez de Céline. Ah, mon doux. Ah, j'ai les yeux. Ça fait penser à l'histoire, là. Ah, que tu as de grandes oreilles, c'est sûr. Je suis Saturnin le lapin. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Monter la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère vivre mieux. Moi je prends mon violon et j'attrape mon archer. Et je joue ma vieille valse pour faire mes amis danser. Vous connaissez mes chers amis, la vie est bien bien trop courte pour se faire des misères. Allons danser ce soir. Travailler c'est trop dur, mais voler c'est pas beau. À demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre mieux. Moi j'attrape ma vieille selle et je selle mon vieux cheval. Et je monte mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Tu connais, ouais, cher bébé, c'est loin des grands bouts d'allant. Mais le long du grand Texas, attention, j'ai cherché, ouais, je comprends. Travailler, c'est trop dur. Ça te fait voler, c'est pas beau. Je pense que oui. Mander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, en demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de mieux. vous souvenez de Caroline du Sud ou Caroline du Nord, peu importe, au début de l'émission? J'avais demandé un mot. Bon, elle s'est enfin réveillée. Puis le mot qu'elle m'a lancé pour une improvisation, c'est singe. Singe. Les primates les plus intéressants dans le monde, c'est les singes. L'homme descend du singe. Je ne sais pas pourquoi le mot singe, là, mais on va prendre ça dans la globalité. Toutes les recherches sur les singes, j'en ai-tu eu des recherches sur les singes? Les planètes des singes, c'est un beau film, ça? Mais c'est même une série. Là, je ne parle pas avec Peter Jackson, là, pas la cigarette, là, mais celui qui a fait le silence des anus, des anneaux. Ouais, je vais m'écouter ça, moi. J'haïs ça, ces films-là, moi. Mais la planète des singes, ça, c'est quelque chose... Dans mon époque, là, c'est quand on époque, ben c'est à l'époque du vieux moulin, là. Hein, on se foutait le dedans le pathétique. Il n'y avait pas de singes, là. Il y avait quoi que... Oui, il y avait des mammifères, puis à un moment donné, l'homme devient un peu... On descend, on monte pas. Quoi qu'on sait pas. Peut-être que le singe, lui, est en haut. Pis c'est nous qui le singeons. Avez-vous déjà vu la série Au-delà du réel? Il y avait des numéros là-dessus, là, c'était le dimanche chez nous. Chez nous, c'était le dimanche à 14h. Et puis, moi, j'étais assis devant mon écran. La publicité, le générique, c'était on s'empare de votre écran. Hey, imagine-toi! T'as quel âge? Avec quoi? 8-9 ans? On s'empare de votre écran, puis là, tu rentrais dans un imaginaire glauque, là. C'est comme ça que je me suis formé. Puis c'est comme ça aussi que tu peux aller plus loin dans ton imaginaire. Hé, monsieur! Il y avait des affaires là-dedans. Le jardin zoologique, là, c'était pas les humains qui allaient voir les animaux. C'est les animaux qui allaient voir les humains, puis les humains étaient en cage. Ça, c'est un des numéros qui m'a le plus... je ne l'ai jamais revu, ça. Mais il y avait toujours des artistes reconnus, un peu comme dans Columbo. Ils prenaient des grands comédiens pour faire des rôles. Mais là, dans cette série-là, c'était la même chose. C'était vraiment très intéressant. Donc, les singes. Ah, mon Dieu! Puis moi, j'ai connu le singe de Michael Jackson. C'est pas Chiquita, là, dans Tarzan. Parce qu'elle, là, ce qui doit l'animer là-dedans, c'est Tarzan. Oh, le beau Tarzan. De liane en liane. Puis, ah ouais, donc, il n'y a pas de problème. Puis, il est émancipé. Ah, oh, le cri de Tarzan. Avez-vous déjà entendu ça? Moi, c'est Tarzan. Tarzan, la petite Taylor. Non, c'est pas le lutteur. Non, je veux pas. Non, je ne ris pas du lutteur. Je veux pas qu'il fasse ma. Non, je veux pas qu'il frappe à ma porte. Il peut frapper quelqu'un qui est pas moi, ça, je m'en balance éperdument. Mais ce qui me dérange, ça me dérange un peu là, qu'il soit malheureusement vexé par mon imitation de. Parce que j'ai pas voulu. J'ai même pas pratiqué. J'ai pas les moyens de pratiquer, là. Puis surtout le temps m'est très réduit. Mon cerveau aussi. Mais le singe, lui, ah mon Dieu! Hey, il peut être aussi intriguant. Aussi intriguant qu'un spectacle de je sais pas qui, je le sais, mais je vous le dirai pas. Et non, c'est de la méchanceté. C'est pas bien d'être méchant, M. Tremblay. Avec l'âge, on doit rester plus calme, plus posé, plus zen. Puis je vous dirai pas d'être un Bouddha parce que, bon, j'ai jamais vu un singe Bouddha, quoique, si tu lui places une banane. Il va te la manger. Oh. Hey, wait, wait, rock you, Petits zizi zou zizi zou zou zou t'es-tu mon ami zizi zizi. Dans le pays, pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, il n'y avait pas de loi, et chacun pour soi. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout tordu, la mère Ubu. Bête et méchant, les deux hommes aidants n'aiment que l'argent et la crème au blanc. Il avait un plan pour un coup d'état, pour un pamping-pong à coup de bazooka. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme à femme et tout au du, la mère Ubu. Ubu et le roi se rencontrent. Twist, ya ya ya. Après l'entrevue, tout à coup, merde, dit Ubu, et le roi est mouru. Il avait un tout petit zizi et un grand cul. Ubu, merci. Ubu, descend de là. Ne reste pas devant moi. Ça peut être très dangereux. Il y a des flaques d'eau. Et lui, cet énergumène, aime bien se regarder. Toujours sur la flaque. En se penchant, il regarde la flaque d'eau et se voit le visage. Et un jour, il s'est trouvé tellement beau qu'il a voulu se prendre et il s'est noyé dans la flaque d'eau. Là, vous allez me dire ça, je connais ça. C'est pas du... Non, c'est pas de la vieille... Non, c'est on reprend pas, nous. C'est de l'exclusivité. Ouais, mais moi, je sais bien que Narcisse l'avait fait, ça. C'était un Narcisse léniniste, lui, non? Il s'est même frenché dans l'eau. Puis heureusement que nous autres, hein, c'était la veille de son anniversaire. Puis on était que des ratoureux. On a toujours été des ratoureux. Un petit club de ratoureux. Un groupe bien serré. Mais on s'aimait tellement. Puis on faisait attention l'un à l'autre. Hein. On faisait pas ça pour être méchant ou pour blesser quelqu'un. Mais non, est-ce que vous. Ouais, on vous dérange là? Continuez à manger vos biscuits soda. M. Tremblay, on vous a jamais arrêté là-dessus. Gaétane, ta petite boisson... Ouais? Une petite boisson tendre. Bon. à bubules. Elle aime ça les bubules parce que ça lui fait penser au champagne, même si c'est une eau minéralisée. C'est minéralisé, réalisé par une eau minéralisée. OK. Ben, en tout cas, au moins, il y a une réalisation à quelque part. Là. Et puis, dans ce verre-là, tout peut passer. Puis, c'est une femme tellement créatrice qu'elle peut partir dans des explosions d'imaginaire qu'elle seule arrive à créer. Et c'est pour ça que je l'adore quand je l'écoute. Elle me fascine, elle me passionne, tout le monde l'aime, sauf elle. Sauf elle. Elle est toujours dans, tu sais, dans la gentillesse. Oh non, non, dites pas ça. Ben voyons donc, c'est pas vrai. Elle minimise tout. Elle minimise. Tout est mini comme l'autre là, qui vient de chanter là. C'est pas parce que c'est mini que ça doit pas être intéressant. Ça peut être intéressant quand même. Pourquoi je dis intéressant? Parce que c'est sorti de même, puis on poursuit. Faut pas s'arrêter. Dans la gaffe, n'ayons point peur de se ridiculiser. Sinon, l'émission n'existerait pas. Là, hein? Errance Rénaldienne, ça fait combien d'années que c'est là? Dans nos oreilles, nos tympans, ça saigne tout le temps. Hein? Oui. C'est pas c'est pas une commotion cérébrale, mais oui. À chaque semaine, c'est un vrai cérébral killer. Cérébral killer. Mais il a tué personne, quoique. Il tue les gens qui n'aiment pas, ben, intellectuellement, là, c'est une violence très, très, très, très amoureuse. Même si c'est étrange de mettre amour avec violence, il y en a un qui avait chanté, vive, qui chante encore, parce que même s'il est mort, sa création reste. Vive, violence, ça va de pair. Ouais, j'adore celle-là. Je la chante quelquefois à l'occasion, dépendant de mon auditoire, mais ce soir, elle n'est pas frileuse. Elle est attentive comme le rossignol. Avez-vous déjà entendu des oiseaux qui chantent la nuit? Non, je parle pas des hibou, ça fait quoi un hibou? Ouais, Gainsbourg avait fait une chanson là-dessus, mais la chouette chouette le bordeaux, ta la ta la la ta la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Le Rénal rouspète, la marisourie, la chantale pète, la guétane sourit. Le Richard regarde, la guétane examine. Le Jean-Claude espère que la Lise l'amène là-bas. Que Maryse l'amène là-bas, là-bas tout. T'es là, ses amis, ses espoirs. Lamba, lamba, la liba, lida, liba, lona. C'est là-bas que tout est entré pas. Lamba, la ciba, là-bas. Là-bas, tout est présent. L'amour et le printemps. C'est tout le temps printemps là-bas. C'est tout le temps le printemps là-bas. Là-bas. Excusez-moi, là-bas. Là-bas, un homme a peur, une femme frissonne et des cœurs se réchauffent. Là-bas, on se demande pourquoi il n'y a pas eu d'union devant deux. Chansons là-bas, y a des canapés, toujours détrempés et jamais mangés. Ouais, les canapés, c'est pas des sofas, là. C'est des petites biscottes. Là-bas, t'as pas à le dire, les gens ont compris. Là-bas, on ne sait pas pourquoi, ce n'est même pas chez soi. Mmh.

Dimmi cos'è sta canzone che mi suona nelle orecchie senza fermarsi. Sai che io non ho più tanto tempo come prima, più tanto tempo come prima per riempire le mie orecchie. Per me questa canzone che mi aiuta a svegliarmi la mattina, quando la sento mi fa sorridere tutto il giorno. Sorridere tutto il giorno, sorridere tutto il giorno, per fiorire il mio sorriso. Ehi, fai un po' la stessa cosa, non li tire dita dalle orecchie. Fai un po' la stessa cosa. C'est clair ce que je dis, madame? Non. C'est clair. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas partir de cette structure-là? Et il existe, depuis maintenant 2500 ans à peu près, une chose extraordinaire, qui est toujours en usage aujourd'hui, qui est une structure qui est à la base même du classement, qui a été inventé par le nom m'échappe. Ça va me revenir. Par un peuple juif. Okay. C'est l'ordre alphabétique. Oui. Donc j'ai décidé de mettre en ordre alphabétique une seule pièce de Molière, la Vare, donc de réorganiser l'ensemble du texte en niant le potentiel d'interprétation littéraire, littérale, théâtrale, et je suis arrivé à faire des listes de mots qui composent l'ensemble de la pièce de la Vare. Mais est-ce que tu gardes les virgules, les points, les slips? Absolument. Okay. Absolument. Est-ce que tu les places au début ou à la fin? Alors, en fait, je fais des monochromes de ça. Okay. C'est que la Vare de Molière, il est constitué, je crois, je dis peut-être une bêtise, mais entre 25 000 et 30 000 mots. Je me souviens plus, c'est peut-être 35 000, hein, ça c'est pas, peu importe. Mais de l'ensemble de cet ensemble de mots, je les range en ordre alphabétique. C'est-à-dire que je prends tous les mots, et par exemple, il peut y avoir des séries de 43 avec, de 23, je sais pas, servantes, voilà. Et ces mots-là, je les range ensuite en ordre alphabétique, donc ils ne sont plus présents qu'à travers leurs occurrences, ouais, c'est-à-dire le nombre de fois où ils apparaissent dans le texte. Et ensuite, je les imprime sur des grandes toiles d'1m75 par 1m17. Ce que j'ai vu sur Facebook. Voilà, qui sont en fait ma hauteur. Et 1m17, la hauteur c'est 1m75, donc c'est ma hauteur à moi. Ouais. Donc j'ai perdu 1 cm, donc il faudrait que je... Là j'étends, je me tasse. Et 1m17, c'est la largeur de mon épaule gauche avec mon bras droit tendu et mon index tendu, parce qu'il y a tout un lien aussi. Et le texte commence à 1m45, c'est-à-dire l'axe horizontal depuis lequel je tends mon bras droit. Donc il y a une partie de la toile, la partie supérieure de la toile qui est blanche. À partir de 1m45, il y a tous les mots de la Vare, et tout en bas, il y a toute la ponctuation que j'ai rangée selon un autre ordre qui est... Alors c'est virgule, point virgule, point, deux points, trois petits points, point d'exclamation et point d'interrogation. Et les guillemets ? je ne figure non parce qu'il y a je ne prends que les objets, l'écriture oralisée. Ok. Voilà. Donc il n'y a pas les parenthèses et il n'y a pas les guillemets. Mais sans savoir que tu sois placé une hiérarchie ou si c'était déjà inscrit. Est-ce que c'est toi qui as placé les virgules avant? Alors ça, ben, j'ai inventé un ordre alphabétique de la ponctuation. Alors tu as placé une hiérarchie. Exactement. Sans savoir. Alors comment tu as fait? Est-ce que c'est instinctif ou si c'est réfléchi? Ben, j'ai supposé que ça devait être logique. Mais pourquoi tu n'as pas mis le point à la fin? Non, parce qu'en fait, je voulais faire virgule, point, virgule, point. Si tu veux, je voulais arriver de la virgule. En fait, je voulais arriver... En fait, je voulais arriver de la respiration au silence. OK, c'est pas du point de vue graphique, c'est le point de vue... Le point de vue de l'oralité. De l'oralité. On parle du soupir, enfin de la respiration. Mais tu aurais pu voir ça d'une manière graphique aussi. Eh bien, c'est aussi graphique parce qu'il y a point, deux points... Trois petits points, donc il y a un point, deux points, trois points. Alors tu enlèves toute structure de signification. Totalement. Parce que si, pour suivre l'idée, quand on dit point final, le point de toute ton œuvre, ben, tu le places normalement à la fin pour créer la finalité. Oui. Mais c'est pas ça que tu as voulu. Non, du tout. Non, ce qu'il y a, et c'est là où ça moi m'intéresse, c'est que du fait, bon, voilà, j'ai imprimé la VAR en ordre alphabétique, mais du coup il n'y a plus de sens. Mais non. Et du coup, ce qui moi m'intéresse, mais c'est là où moi c'est où ça devient intéressant, c'est que le mot, avec le dessin du mot, devient un élément par lequel l'encre trouve différentes valeurs. Donc j'appelle ça des monochromes alphabétiques. C'est qu'en fait, la longueur du mot va créer des variations de noir. Donc, il n'y a plus des variations de sens. Le mot devient une couleur, au sens presque de l'impression et de l'imprimante. Et c'est le mot qui va faire des variations de noir. Voilà. Sais-tu, je connais un musicien qui s'appelle Yann, qui travaille avec Brigitte Fontaine actuellement. Et il a déjà travaillé avec Alain Bachon, Péchin. Yann Péchin, celui, je ne sais pas si tu connais. Bon, mais quand quelqu'un, parce qu'il fait beaucoup de musique avec des gens qui ne connaissent rien à la musique, puis monsieur, puis ma mère, ou un artiste quelconque, dit « Est-ce que tu peux me faire un bleu? » Ben oui. Un rouge. Et lui a commencé à travailler sur la couleur musicale. Ouais. C'est fou, hein, parce que ça s'entrecroise. Ben, disons que oui, c'est ça, il y a une espèce de synesthésie, si tu veux. Donc en fait, moi, je retiens le sens et je fais de chaque mot une possibilité de variation du noir. Mais tu me dis que tu enlèves le sens, oui, et pour créer un second sens. Alors, je ne prends plus le sens littéral, je fais un sens optique. Voilà, c'est ça. OK. Mais c'est quand même un sens. Et en même temps, le sens du mot, quand tu le vois, il est toujours là. Et en fonction de la distance, tu vois, soit tu vois le mot, soit tu vois les variations de noir. Alors, ça a quand même du sens, mais un autre sens. Ben oui, c'est ça. Voilà. On s'en sort jamais. C'est formidable. Et du coup, j'ai fait la même chose avec la Bible. Oui. Donc là, comme il y a beaucoup plus de mots, le texte est beaucoup plus dense, donc les gris sont beaucoup plus clairs. Ouais. Tu vois? Mais ça a été bien reçu. Puis, est-ce que c'est. Attends un peu, je peux me tromper, là, mais tu avais mis les mots dans un sac ou dans un. Ah non, c'est que j'écris aussi les mots sur des confettis. Ah oui, c'est ça, les confettis, exactement. Ouais. Enfin, je crois que la dernière fois qu'on s'était vu. Il y a trois ans. Ouais, j'avais écrit 5 livres. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, j'en suis à 13. OK. En sachant que la Bible compte 66 livres. Donc j'ai encore un peu de travail. Oui. Alors bon, je crois qu'on va résumer. On va quitter. Mais comment tu fais pour expliquer tes projets? Ben, tu fais comme tu viens de nous. Tu sais, tu l'expliques certes, mais comment tu fais pour convaincre les gens? Je n'essaie pas de les convaincre. Je refuse de les convaincre. Je refuse de communiquer sur mon travail. Mais quand tu travailles là-dessus, est-ce que tu sais qu'éventuellement ce sera présenté ou si c'est juste. Ah, mais non, j'en ai. C'est un travail personnel. Là, j'ai une grosse exposition qui a été annulée. Enfin, j'ai deux grosses expositions qui ont été annulées. Alors, la première, c'était à cause du Covid. C'est qu'en fait, j'étais dans une biennale d'art contemporain. Okay. Et l'avant-veille de l'ouverture au public, qui était uniquement consacré aux professionnels. On a ouvert, évidemment, personne n'est venu et j'ai pas exposé. Enfin, ça a été annulé. Et là, j'avais une grosse exposition où je travaillais aussi avec des musiciens, avec des violonistes, voilà. Et pour des raisons que je... Tu t'y as ? Si, si, je connais très bien les raisons, mais bon, là, ça peut pas se faire. Mais c'est pas grave, hein. Mais c'est pas grave, hein. Je fais. Non, non, c'est des micros. Non, ce sont des rats. Ce sont des rats. Regardez. Non, c'est des micros. C'est des micros, c'est juste pour pas... Parce que je suis en interview, c'est pour ça. Ah, excusez-moi. Non, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est un chien, excusez-moi. Ah, ben oui, c'est un chien, oui. Ça, c'est pas vrai. Pour un instant, j'ai oublié mon nom. Ça m'a permis enfin d'écrire cette chanson. Pour un instant, j'ai retourné mon miroir. Ça m'a permis enfin de mieux me voir. Sans m'arrêter, j'ai foncé dans le comme un loup qui n'a plus d'espoir. J'ai perdu mon temps à gagner du temps. J'ai besoin de me trouver une histoire. Ça a été annulé. Ouais, puis voilà, puis on verra les prochains trucs. Mais toi, ça ne dérange pas plus que ça. Ah si, ça m'affecte profondément. Okay. Et puis après, so what? Ouais. Oui, j'ai pas d'avance, quoi. Oh, ouais. Comme je sais que j'ai 50 ans de travail devant moi, ouais. À minima, Mais des projets, t'en as constamment? Là, oui, je suis sur un nouveau projet. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte... Je me suis rendu compte, c'est très étrange, hein, mais qu'on ne voyait les mots que de face. Oui. Il n'y a pas de boîte mensonge. Voilà. Ouais. Donc, on ne voit les mots que de face. Mais là, parce que quand ils sont dans le sens, c'est autre chose. Là. Dans le sens, tu peux voir plusieurs facettes un mot. Oui, mais quand tu as un mot imprimé, graphiquement, ouais, dans un livre, le fait qu'il soit en bidimensionnellement imprimé, tu ne peux voir le mot que de face. Oui. Et ça, ça m'a rendu fou. Je me dis, c'est dingue. Je trouve ça dingue. Le mot, moi qui suis né dans les années 70, j'ai commencé à lire avec une méthode qu'on appelait la méthode semi-globale, qui était une méthode par laquelle on considérait le mot comme une image plutôt que comme un constitué, c'était pas le béaba. Tu vois, voilà. Donc le mot est une image. Et je lis aujourd'hui avec cet acquis culturel. Et je me suis dit, ce qui est assez fascinant là-dedans, c'est qu'effectivement, le mot fait sens, mais c'est le, pour moi, le mot, c'est le visage du sens. C'est la corporalité du sens. Et je me suis dit, on le voit de face. Et donc, je suis en train d'élaborer une synonyme, justement de l'ava. Je suis en train de... Je travaille dessus. Hein. En fait, je suis dit que l'avare est constitué de 25 ou 30 000 mots différents. Enfin, 25 000 mots, mais il y a à peu près, je crois qu'il y a 5 000, un peu plus de 5 000 mots qui sont utilisés dans l'avare, qui du fait de leur occurrence constituent en gros 25 000 mots. Mais il y a plus, je crois que c'est 5 055 mots différents dans l'avare. Donc là, je suis en train de constituer en train de prendre des portraits photographiques de mots que je fais dans des photomatons comme des cartes d'identité. Donc je fais imprimer un mot, je vais dans un photomaton, bon, ça me coûte une fortune, mais ça, il faut que je trouve une autre méthode, et je prends une carte d'identité du mot. Donc donc j'ai un mot, le mot par exemple, Reynald, tu vois, on va dire que le mot Reynald appartient au champ lexical de l'avare de Molière. Voilà, il y a Harpagon et il y a Reynald. Et ben, je vais prendre Reynald en utilisant la typographie originelle de Molière. Donc tu vas avoir Reynald écrit avec une... comment ça s'appelle Félicien... le nom m'échappe, mais peu importe. C'est l'imprimeur de Molière qui a inventé une typographie spécifique pour les œuvres de Molière. Alors c'est unique à Molière. Ah oui. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est unique à Molière, en tout cas, c'est son éditeur Félicien. En tout cas, si ça a commencé, c'est grâce à Molière. Ah oui, en plus, il y a plein de choses rigolotes par rapport à ça. Je ne retrouve plus le nom, peu importe. Et donc, j'imprime le mot avec la typographie originale de des premières impressions de Molière. Je le fais dans un photomaton, je prends le portrait du mot, donc après je me retrouve avec, tu sais, le petit truc avec Léva, et ensuite je découpe un mot et je le mets dans un cadre avec, je vais estampiller, en fait j'ai fait faire ce qu'on appelle un timbre à sec, ça te dit quelque chose? Oui. Tu sais, c'est quelque chose qui vient gaufrer la surface de papier, soit en creux, soit en relief. Ok. Et là, j'ai marqué Avare Molière et je viens gaufrer la photo avec le, avec le, qu'on appelle le passe-partout, pour attester que ce mot appartient bien à Molière. Une oblitération. Alors, vous savez comment dire, une oblitération, c'est ça, exactement. Et en dessous de ce mot-là, qui est encadré comme un portrait, je viens imprimer le nombre d'occurrences du mot. Donc, par exemple, le mot Reynald. Donc, il va y avoir la photo du mot Reynald. Le nombre de fois. Je vais flanquer et le Reynald va venir. Il vient, on va dire, imaginons 10 fois. Donc, il y aura marqué Reynald 10. Et l'idée, c'est de faire comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Une série de portraits des mots. Parce qu'en fait, les mots, ce sont les premiers acteurs de la pièce. Ce sont eux qui agissent. Alors toi, tu veux les placer pour en former un sens? Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais une galerie de portraits de mots. Mais qui n'ont rien à voir l'un à l'autre. Ah non? Okay. Il y aura A, après il y aura A accent, si tu veux faire toute la série de toujours, A. Toujours en ordre alphabétique. Toujours okay. En ordre alphabétique. Parce que je me suis rendu compte que les mots étaient le visage du sens. Alors, exemple, si tu mets loi estampillée, puis six fois. Donc, dans l'œuvre, on retrouve loi six fois dans. Non, on voit juste une photographie avec loi. Oui. Estampillé oui. Avec le petit le truc, oui. Et en dessous de la photo, il y a marqué 6. Ok, parfait, c'est ça. C'est tout. Alors ça veut dire qu'on retrouve 6 fois ce mot-là. Exact, voilà, exactement. Le chiffre correspond au nombre d'occurrences. Tu sais, c'est comme les comédiens qui rentrent et qui sortent de scène. Ah oui, oui. C'est comme si le mot agissait 6 fois sur scène. Comme oui, un acteur agit 6 fois. Alors les gens vont se promener dans cet endroit-là. À travers les mots. C'est ça. À lire, OK, il y a le je ne sais pas, elle, par exemple, elle a 53 fois. Puis tu te promènes un peu comme dans une galerie d'art. C'est ça. Ah, c'est bien. Et là, tu travailles 7. Mais ça prend combien de temps? Est-ce que ça ne se mesure pas en temps? Là? Mais moi, je travaille 7 jours sur 7, Rémi. Oui, oui. Bon, sauf depuis 4-5 jours où je me sens un peu en vacances. OK. Je lève le pied. Tu t'es offert ça? Oui. Il faut que tu décroches aussi, là. J'en ai besoin. Mais as-tu des mécènes qui travaillent, qui t'aident à... Non, aucun. J'aimerais beaucoup. Oui. Mais c'est pas si évident que ça, là. Ben non, je suis d'accord. C'est pas évident. Mais tu t'en sors quand même. Non. Mais ça te dérange pas. Écoute, je m'y suis habitué. J'ai fait des choix, tu vois. Mais toi, c'est comme le cri de la sirène. Tu te sens interpellé par des réflexions, par des... Et parce que la réflexion, un peu... Elle est très loin. Elle ne se fait que si on lui accorde tout son temps. Oui. Ça sert à rien, sinon. Ça sert à rien d'être un artiste à mi-temps. Non. Ça n'a aucun intérêt. On accouche d'une souris. L'idée, c'est de creuser pour arriver à une espèce de forme ou d'idée irréductible. Et moi, c'est ce point d'irréductibilité-là que j'essaie d'atteindre à chaque fois, avec les petits moyens qui sont les miens. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent savoir sur quel projet tu travailles pour pouvoir y donner vie? C'est quoi la question, Rénal? J'ai pas compris. Non, pardon. Mais parce que là, tu dis que tu as des projets, mais est-ce que tu en parles à des gens qui ont déjà... Ah oui. Non, pour que ça prenne vie. Ah ben oui, oui, non, mais là, tu vois, c'est sur cette histoire d'arbre de Molière, là, oui. Tu sais, j'ai fait un petit objet. D'ailleurs, c'est une très belle histoire. Pour parler à la noix, je suis allé chez un... À Paris, il y a une rue qui est spécialisée dans les instruments de musique qui est à côté de la gare Saint-Lazare. Okay. Qui s'appelle la rue de Rome. Mmh. Où tu as des facteurs de violon, des pianos, des trompettes. Et je suis rentré chez un facteur de trompette. Parce que j'avais une idée. Parce que l'idée, c'était de parler dans un cône. Ouais. Pour récupérer tout le souffle. Oui. Et donc, je suis rentré dans le magasin et je... Au préalable, avant toute discussion, je dis, okay, écoutez, moi, je suis pas du tout instrumentiste. Okay. Seul dans ta chambre, seul dans ta tête, au bout de tes membres, tu gardes et tu jettes ce qui ressemble à ta silhouette. Tu voudrais choisir les moments d'ivresse et laisser partir tous ceux qui te blessent, mais tu n'es plus sûr de leur adresse. J'aimerais tellement ça pouvoir t'offrir le film au ralenti de ta vie, avec un traitement de couleur qui brille toujours à l'infini. J'aimerais tellement ça que tu me dises les mots qui chantent dans ton église, les mots qui s'échappent par le toit, ne parviennent jamais jusqu'à moi, jusqu'à moi. Devant la télé, le son est fermé, juste des images embrouillées, des visages déconnectés. Devant la fenêtre, le rideau baissé, y'a plus d'hiver, y'a plus d'été, juste une lumière tamisée. J'aimerais tellement ça pouvoir t'offrir le film au ralenti de ta vie, avec un traitement de couleur qui brille toujours à l'infini. J'aimerais tellement ça que tu me dises les mots qui chantent dans ton église, les mots qui s'échappent par le toit, parviennent jamais jusqu'à moi, jusqu'à moi. S'échappe par le toit, ne parviennent jamais jusqu'à moi. Je viens avec un projet, mais qui est très probablement à l'opposé de ce que vous rencontrez au quotidien. Donc je dis, écoutez, est-ce que vous accepteriez que je souffle, non pas dans l'embouchure de la trompette, mais dans le pavillon? Alors il m'a regardé avec des grands yeux, il se met des tags. Donc je me suis retrouvé dans le magasin à souffler dans les trompettes, mais pas le gros bout, tu vois, pour avoir en fait la mesure, oui, tu vois, entre le nez, la bouche, le menton, pour que je puisse être complète, que ce soit très ergonomique. Oui. Et en fait, j'ai... Il t'a laissé faire, lui. Oui, il m'a laissé faire, non, mais pour lui, il rigolait un peu, tu vois. Il pas bien lui flipper quand maintenant. Je suis pas... Non, ça, ça me dérange pas. De... En fait, tout le temps se faire prendre pour un dingue, autant y aller, autant y aller. Allons-y carrément. Et du coup, il m'a apporté, en fait, une espèce de... Juste un pavillon, donc c'est une espèce de corolle, tu sais, c'est la partie ouverte, comme ça, de la trompette, avec juste un tube très droit. Et je dis, mais en fait, c'est exactement ça, mais je vais vous demander de me le cintrer. C'est qu'en fait, il y a un angle, donc il y a la trompette, et puis il y a un moment, il y a un angle qui va venir à la verticale, que je vais planter dans le pot de fleurs. Et ça, c'est un outil. Et donc, on va parler, malheureusement, on ne le verra pas, mais... Tu vas parler à... Mais je vais te montrer les photos, enfin, je vais te montrer les croquis que j'ai. Tu les verras. Non, je suis désolé pour ça. Mais tu vois, c'est vraiment... Mais en fait, il a embarqué dans ton projet. Mais oui, c'est ça. Oui, voilà, et donc j'ai fait faire un objet sur mesure, tu vois, qui correspond en fait à ça. Okay. Hey, c'est toi qui dessines. Oui. Hey, tu dessines très bien. Ouh, c'est des coquilles d'études, hein. Ah, mais c'est beau. Ah, je comprends très bien. Tu Alors, vois? Les gens vont... Et donc, en fait, voilà. Ils vont parler à la place. Exactement. Pour être encore plus explicite, tu as... Ah oui. Tu vois, ce petit dessin-là, où tu as un pot de fleurs. Ben oui. Les prémices d'un arbrisseau. Et à côté de cet arbrisseau, cet outil que j'ai appelé un logo sport. Alors, qu'il y a un mot que j'ai inventé. Hein. Ouais, donc, logo, parole et de sport, germe. Donc, là, ce qui va transformer la parole en germe. OK. Et donc, c'est un... l'outil comme une espèce de petite trompette sans trou que tu plantes dans le pot fou. De fleurs. C'est fou, pour parler à ta parole. Pour ensemencer la plante, pour stimuler. Puis ensemencer la parole également. Exactement. Mais est-ce que tu veux faire aussi des essais entre une plante qui ne sera jamais stimulée comme ça, puis celle qui va fonctionner à ta méthode, pour voir si une va pousser plus rapidement que l'autre? Là, je commence ça dans une semaine. Ah, c'est fou! Je fais les premiers... Mais là, est-ce que tu vas prendre des photos? Ah, est-ce oui, que oui, c'est... ça y est, non, mais c'est, okay. c'est prévu. Okay. Ah oui, puis là, ça commence quand? Chez le toi 10, ou... Le 10 en Corrèze. OK, c'est dans un quoi? C'est un musée? Ah, pff, c'est dans un lieu un peu incroyable. Improbable. Ouais, enfin, c'est un lieu assez magique. Tiens, regarde. Non, je suis désolé pour les auditeurs de l'émission qui ne pourront pas voir. Non, non, mais... Mais voilà ce que ça donne. Ah, mais c'est ça, c'est... Donc, tu vois, c'est un... Tu vois, c'est une espèce de... Enfin, c'est une espèce de petite trompette coudée, si tu veux. C'est... Sauf qu'il n'y a pas de trou. Et que tu vas planter dans la... Dans la terre. Et pour parler. Pour que la parole devienne les nutriments par lesquels se nourrisse la plante pour croître. C'est poétique. Ben j'espère. C'est très poétique. J'espère que c'est poétique. Je souhaite que ce soit poétique. C'est unique. Oui, je suppose. Est-ce que tu veux breveter? Alors, non. Parce que les idées n'appartiennent à personne. Oh, c'est... Mais non, oui, j'en suis... Peut-être que je ferai shipper l'idée, mais je crois pas. Hein. Je crois pas. Hein. Franchement, je crois pas. Pourquoi? Parce que... L'intérêt est trop fort? Non, mais peut-être que c'est une sottise. Hein. Peut-être que c'est... Ouais. Mais non, je pourrais peut-être faire breveter le logo sport. Hein. Ça, je peux le faire breveter. Ouais. Alors, j'en fais faire un en verre, maintenant. Ok, oui. Ah ouais, j'en fais souffler un en verre pour le mois d'août. Mais pour le même projet, pour le placer dans... Ouais, pour le même projet. Que là, je voulais utiliser un instrument. Alors, en fait, les arbres qu'on appelle les cuivres... C'est pas du cuivre. Non, c'est du laiton, figure-toi. Ah, ok. Ah, oui. J'ai appris ça, tu vois. Ah, mais ce sera emmerdant que le vainqueur dit « Voici où les... j'ai une équipe de laiton, c'est moi. En fait, c'est du laiton. Okay. Ah, ouais. Les trompettes, on dit que c'est des instruments. On les appelle les cuivres. Les instruments. Mais anciennement, est-ce que c'est un cuivre? Pourquoi quand... Bah, pourquoi ça me paraît étrange parce que le cuivre, ça s'oxyde et ça devient du vert de gris. Enfin, le toit de l'Opéra de Paris, par exemple, c'est une espèce de gris vert, on appelle ça un vert de gris, c'est du cuivre. Je vois, j'ai jamais vu une seule trompette devenir verte, tu vois. Mais donc, on devrait arrêter de dire qu'on a une section cuivre? Bah oui, mais bon, c'est joli de faire des erreurs linguistiques comme ça. Ouais. Je trouve ça très poétique. Il y en a beaucoup. Ah, ben c'est merveilleux. Et là, mais est-ce que tu veux faire la différence entre le cuivre et le verre? Est-ce que la plante va pousser un peu plus rapidement? Ça, je sais pas. Okay. Mais est-ce que tu veux faire cette vérification-là, cette expérience? Je m'en fiche totalement de ça. Non, c'est pas... je m'en fiche totalement. Mais tu veux, dans cet endroit-là, placer une plante qui ne sera pas... comment dire, donc qui ne sera pas selon ta méthode, et une autre qui va fonctionner avec... Ah, mais à chaque fois, on vient toujours avec le logo sport. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Hein. Mais à chaque fois, on parle dans le logo sport. Oui, mais est-ce que tu veux vérifier entre une plante qui ne fonctionne pas comme ça? Ah oui! Ah ben non, j'ai pas du tout. Okay. Non, ça ne m'intéresse pas. Ah ouais? Ça ne m'intéresse pas du tout. Et ça, c'est plus scientifique peut-être. Alors là, je pense qu'effectivement, on touche à la question de la véracité scientifique du truc. Mais ce serait bien que quelqu'un l'essaie, vérifie. Oui, mais... Je trouve pas aucun intérêt. D'abord, peut-être... Oui, mais je trouve que ce qui est plus important, c'est peut-être c'est l'idée. Oui. Plutôt que la véracité scientifique. Oui, l'idée poétique. Mais moi, ça me suffit, ça. Mais oui. Mais c'est beau. C'est beau esthétiquement, mais aussi c'est beau comme... comme objet? Ah oui, je peux. Alors ça, c'est un bel objet. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est aussi comme poésie créative, c'est merveilleux. Ah ben, c'est gentil. Non, mais tu trouves pas? Ben, j'en sais rien, c'est okay. Pas à moi de le dire, okay. Renata. Mais vraiment, c'est très... c'est unique, là. Bah je, oui, probablement. Bah oui, ça s'est jamais fait. Je sais pas, peut-être pas. Je sais pas. Bah oui, peut-être. Tu dois avoir raison. Enfin, j'espère. Mais oui, j'espère. Oui, moi aussi. Mais j'ai bien hâte. Et là, ça va se faire dans une semaine. Alors là, je pars en résidence en Corrèze. Ok. Et on va commencer à faire les premières lectures en ordre alphabétique. Alors quand je dis en ordre alphabétique, c'est que j'ai mis l'ensemble des pièces, des 33 pièces de Molière. Alors je les ai rangées soit chronologiquement, soit je les ai rangées en fonction du titre, et donc de A à Z. Donc on commence par Amphitryon, plutôt que, et après ça va être Don, je sais plus, Don du machin. Et, ou alors on peut lire, alors soit en ordre alphabétique, soit en ordre chronologique, soit en fonction de son goût personnel. Donc on peut commencer par Don Juan, après la Vare, après, je ne sais pas, moi, les précieuses ridicules. Mais au terme, il faut que tout soit lu. Mais qui lira? Alors c'est très ouvert. Alors dans le cadre de la programmation au théâtre... Non? Oui, oui, probablement, mais juste une fois, tu vois. En fait, dans le cadre de la programmation au théâtre, je vais inviter les gens à lire. Donc j'ai besoin entre 120 et 150 personnes qui lisent entre 10 minutes et un quart d'heure. Mais est-ce que les personnes vont se pratiquer avant ou si c'est on se lance... Mais c'est comme ils veulent. Okay. Comme ils veulent. Okay. L'idée, c'est pas de bien lire. Hein. Ouais. L'idée, ouais. C'est de ouais. Donner son souffle. Oui, hein. Oui, ouais, ouais. Okay. Et parallèlement à ça, je crée un journal hein. C'est que, qui va s'appeler Généalogie de la parole. Okay. Parce qu'au préalable, bon, là sur les noix que je vais, première noix que je vais utiliser. J'ai le yob dans la peau, je suis une vieille panthère qui a mal au dos, j'ai connu la misère. Des bas et des hauts, j'ai mené un train d'enfer comme un vieil ado. Puis là, je me fais des vues, même si je suis seul dans ma rue. Et je traîne partout, je traîne partout. Je suis un drôle animal, pas tout à fait normal. Je vois dans la noirceur, puis là je me fais des peurs. Je marche dans la nuit, j'écoute tous les bruits. Des fois je saute partout comme un vrai Christ de fou. Je suis tout seul au monde, c'est pour ça que je vagabonde. Et je traîne partout, je traîne partout. Je rêve de partir. Je prends le bateau, j'ai peur de l'eau. Je rêve de partir, je rêve de partir. Je prends le bateau, j'ai peur de l'eau. Je suis fatigué, fatigué d'attendre. Je me laisse tomber, sans ne jamais me rendre. Je ne peux plus dormir, je ne peux plus choisir. Et j'appelle au secours, et mon cœur est si lourd, moins lourd que le silence. Ça n'a plus d'importance, et je cherche un abri. À l'abri de ma vie, et je traîne partout, je traîne partout. Je rêve de partir. Je rêve de partir. Je veux prendre le bateau. J'ai peur de l'eau. Je rêve de partir. Je rêve de partir. Je veux prendre le bateau. Je sais dans quel jardin elles viennent. Donc j'ai l'adresse du jardin, j'ai le numéro du cadastre du jardin. Donc je crée la généalogie de la première noix. C'est comme les vignes. Exactement. Et après, chaque lecteur, chaque lectrice qui va moissonner la parole déposera dans un livre, dans un journal, son nom, le jour de la lecture, le lieu de la lecture, le temps de la lecture et surtout le chapitrage, parce que c'est acte 1, de acte 2 jusqu'à la... Voilà. Et c'est tout. Donc il y aura toute la généalogie de la plante qui sera inscrite avec tous les moissonneurs, les gens qui auront donné leur souffle. C'est un peu le livre d'or. C'est pas tout à fait ça, parce que le livre d'or, c'est souvent... Un livre dans lequel s'inscrivent des intentions suite à une exposition. Oh, c'est vrai. Là, il s'agit de nommer simplement les gens et chaque contributeur, si tu veux, ils vont ensemencer par là. Voilà. Et donc, il y aura cette généalogie de la parole qui sera présente à chaque arbre. Et tu veux la garder pour toi ou Ah non, ce sera pour les propriétaires. Là, ce sera pour le théâtre. Et puis là, j'ai un autre arbre qui va commencer à pousser, bah justement celui qu'on va commencer en Corrèze. Et avec des photos à l'appui. Alors non, aucune photo. Okay. Alors, quand je dis aucune photo, c'est pas tout à fait vrai. Je ne veux. J'ai décidé qu'il y aurait aucune photo des gens qui lisent, parce que il s'agit que de paroles. Ouais. Et la seule image, ce qui fait image, c'est l'arbre. Ouais. Donc il faut que les gens soient réduits, entre guillemets, ou ne soient identifiés que par l'écriture. Donc je ne veux pas de portrait. Par contre, ce qui peut se faire, ce sont des photos de la croissance de l'arbre. Tu vois, à différents stades. À 6 mois, à 1 an, à 3 ans. C'est ça l'intérêt aussi, peut-être. Bah, ce serait génial, tu vois. Et donc normalement, je devrais constituer un site internet pour que toutes ces données soient accessibles pour tout le monde. Aller vérifier l'évolution de l'arbre. C'est ça, exactement. Que tu viennes voir comment va l'arbre. C'est bien, c'est très bien. Et du coup, il y a la dimension du soin qui est très importante pour moi. Tu vois, c'est prendre soin. Ouais. Ben, imagine si les gens qui sont pro-vert, qui sont pour la nature, ils doivent vraiment trouver ça génial. Ah ben je sais pas, il faut que je les rencontre. Non, mais ceux qui nous écoutent à la radio là, qui travaillent pour la planète, ils te prennent contact avec toi, on prend contact avec toi, et je vends le projet. Voilà, je leur vends le projet. Alors là, je suis en train de voir avec un ébéniste pour me constituer une boîte à l'intérieur de laquelle seront posés le logosport, 3 noix, l'ensemble du répertoire de Molière, probablement sous les éditions de la Pléiade, un pot de fleurs, de la terre et le protocole. Et je vends ça. La grosseur, c'est quand même assez énorme. Bah, parce que je pense que le pot de fleurs est assez conséquent. Et tu vends ça. Et quoi, ce sera cloué, collé? Ben écoute, il faut que je voie avec l'ébéniste, mais okay. Ce sera un objet pour une collection d'art contemporain ou pour un collectionneur. Il faut que ce soit un objet très précieux. Et qu'il ne s'ouvrira jamais. Ah ben si. Okay. Je leur donne, si tu veux, c'est comme une... Voilà, je leur donne tous les éléments pour faire eux-mêmes. Ah oui, c'est comme un ensemble. Okay. Exactement. C'est comme un meuble Ikea que tu montes toi-même. Non, mais c'est comme les publicités à la télévision, c'est vous achetez ça et on vous montre comment, avec le plan. C'est ça. Donc ils achètent ça. Est-ce que tu peux le garder uniquement comme œuvre sans rien déplacer? Ben, tu l'œuvre, tu le gardes comme œuvre de potentialité. Ça reste à l'idée de potentialité, c'est un peu dommage. Ouais. Mais ça peut être un intérêt aussi. Bah oui. D'avoir le premier prototype. Ah ben non, le premier prototype, ça y est. Il est déjà fait, le premier prototype. Ouais, ouais. Mais les gens qui travaillent avec toi, c'est aussi des... On s'implique beaucoup là-dedans. On se donne dans le projet. Ben oui. Moi, je crois que ça peut... J'espère que ça va émouvoir les gens qui y participent. Parce que c'est pas uniquement parler dans un truc, non. C'est participer, c'est contribuer et c'est d'être à l'origine de la vie. Et si tu veux, dans ce projet-là, il me touche aussi beaucoup parce que je sais que l'arbre me survivra. Ah oui. Et que c'est une certaine façon pour moi de répondre à la grande question de ma vie qui est ma paternité biologique impossible. Et donc, du coup, cette œuvre-là est une façon pour moi de générer une paternité symbolique. Mais je ne suis même pas le contributeur, je suis l'initiateur. Et ça, ouais. Et ça pour moi, c'est encore mieux. C'est plus fort. Je ne sais pas si c'est plus fort, oui. Mais cette place-là me va très bien. Quand tu te lances dans un projet, est-ce que l'autre est terminé ou si tu jamais. Prends un projet? Okay. Pas du tout. Là. Alors toi, tu ouvres les chemins et J'ai 5 projets à la fois. Ok. Oui. Et comment tu fais pour te concentrer parce sur que rôle? Parce que je ne fais que ça, Rénal. Ok. Tu n'es que création. C'est très, très prétentieux de dire non, ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu te lèves le matin et tu es dans une réflexion de création. Bah, j'ai dans la mesure du possible, oui. Parce que je fais tous les jours. C'est ce qui te permet de vivre. Bah pas beaucoup, non. Mais c'est ce qui te permet de... Mais tu en manges, tu en respires. Mais c'est ma vie, là. C'est ma vie. Un peu comme un moine qui prie continuellement. Alors oui, il y a quelque chose de... En fait, j'ai décidé d'avoir des rendez-vous quotidiens avec moi-même. Alors pas dans le sens égocentrique du terme, mais... C'est comme une routine en fait, une pratique, comme un danseur qui tous les jours s'assouplit, fait sa barre, fait ses machins. Moi, je fais ça tous les jours. Et donc, ça me muscle d'une certaine façon. Oui. Mais ça a commencé quand cette façon de voir la création? À quel moment tu t'es dit, je vais prendre un autre chemin? J'ai une date. Mais j'ai pas tellement envie d'en parler, en fait. OK. Mais il y a un fondement à ça. OK. Parce qu'avant, je faisais des pièces de théâtre, oui. Entre guillemets, traditionnelles, mais même si elles l'ont jamais été. Hein. Non. Mais il y a eu un... Un déclencheur. Oui, il y a eu un moment fondateur. OK. Qui était à l'origine, qui était en fait une très grande douleur. Très, très grande douleur. Un très grand chagrin, on va dire. Et une très grande frustration. Et à partir de là, j'ai décidé de faire sans qu'on ait l'autorisation, sans attendre l'autorisation de qui que ce soit pour agir. Je fais, c'est tout. Je travaille. Et j'attends pas que d'attendre des subventions, d'attendre que le ministère me donne de l'argent, d'attendre qu'un galeriste m'ouvre ses portes, d'attendre qu'une biennale m'accueille. Est-ce que je peux? Bien sûr. Oui, allô? Oui, c'est moi. Mmh. déjà 30. Je pourrais faire ce qui me tente, mais y'a des factures en attente. Pas mon ventre, j'ai déjà 60. Y'a plein d'affaires qui plissent, asti j'ai 70. J'ai 80, j'comprends plus rien, c'est déjà le début de la fin. Après j'compte. J'ai aucune idée où je suis rendu. Lundi, je veux surtout pas sortir du lit. Mardi, comme la journée qui veut rien dire. Le milieu de la semaine, c'est mercredi, ça vaut la peine. Là jeudi, je vais venir la fin de semaine. J'ai pas fini, faut que j'aille courir des aubaines. Vendredi, ce serait magnifique. Pogné dans le trafic. Enfin samedi, je pourrais dormir, mais y'a un paquet d'enfants qui crient. Dimanche est fini, juste à y penser, je dormirai plus de la nuit. Les cheveux crêpés pis la crème de menthe. Les années 60, nouvelle musique adolescente. Les années 70, gang de hippies qui fume du feu de lys. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.